Dorothée n'a rien dit. Le Seigneur l'a donné, le Seigneur l'a repris. Loué soit le Seigneur. Elle est rentrée dans l'ombre, où dorment les enfants.